Rams. On peut pas tout prendre en l'air. La vie continue. J'ai mal dormi, nuit agitée. Je rêvais que l'OHIP est tombé dans l'oubli. Comme un homme sans parvis, pas chiqué. Comme cette femme seule face à ses problèmes. Relation toxique depuis qu'elle a la vingtaine. Comme ce jeune qui cherche du taf à gauche à droite. Que des portes se ferment devant lui, que des réponses à la droite. Comme ce vieux avec sa petite retraite au PMU. Loin d'être heureux, 50 ans à trimer pour des miettes. Tombé dans l'oubli, sourire, soulière qui a pire. Cause qui crève de faim de soir pendant que tu joues le martyr. Pour trois fois rien, pense à ceux qui marchent pieds nus. Mentis pour quelques pièces et un bout de pain, t'appelles les malvenus. Là, ceux qu'ont perdu leurs deux parents. Laissés seuls dans un monde où l'aide est devenue transparente. Dites-vous qu'ils sont fiers de vous de là-haut. Ici, on perd beaucoup tout le long de la route jusqu'au chaos. On peut pas contrôler la mentalité. On peut pas plus blesser, immuniser depuis l'éternité. Nos vies monétisées comme le sourire de Mona Lisa. Pas politisé, ni pactisé ou pas bizarre. Tu peux pas contrôler la mentalité. On peut pas plus blesser, immuniser depuis l'éternité. Nos vies monétisées comme le sourire de Mona Lisa. Pas politisé, ni pactisé ou pas bizarre. Hams, quand je dis que ça va bien, tout le monde s'en bat les couilles. Quand je dis que ça va mal, ils me demandent tous pourquoi. Endetté sur 25 ans, t'es tenu par les couilles. Ils t'aiment quand t'as l'argent, quand t'as plus rien, ils peuvent plus rien pour toi. Pour connaître la trahison, suffit juste d'être deux. Ils te souhaitent le bonheur mais jamais plus que eux. Pendant que je tape des fous rires, je vois que les commerciales. C'est trop spécial comme t'insulter avec un sourire commercial. Enculé, comme ceux qui font les hommes mais chez eux frappent leurs femmes. Ce monde il me désole comme ceux que les rappeurs clament. Tu les vois beaux mais pour ma part ils sont trollés. Y'a pas que la mort qu'on frôlait, je crois qu'on peut pas tout contrôler. Pendant que je remplis ma panse, y'a ceux qui dansent avec le ventre creux. C'est chacun pour sa gueule comme l'ordre entre deux. Balafré par la vie mais le cœur reste intact. Pas navré, je suis ravi, même si le destin tacle. Tu peux pas contrôler la mentalité. On peut pas plus blesser, immuniser depuis l'éternité. Nos vies monétisées comme le sourire de Mona Lisa. Pas politisé, ni pactisé ou pas bizarre. Tu peux pas contrôler la mentalité. On peut pas plus blesser, immuniser depuis l'éternité. Nos vies monétisées comme le sourire de Mona Lisa. Pas politisé, ni pactisé ou pas bizarre. Encore dans la machine, entravé par un tas de fils. Diverti par quelques films et une prime ou deux. Pour te faire fermer ta gueule. Un peu de poudre aux yeux jusqu'au moment où tu seras vieux. Ça sera le moment de sceller le cercueil. Ils veulent qu'on rentre dans les rangs conditionnés depuis l'enfance. Ils nous parlent de tolérance mais bégayent devant nos croyances. Putain, vous pouvez garder le butin. Je vais profiter de cette vie, finir avec les miens. Perdus dans la masse salariale, mon mur dans une colère noire. Conscient de n'être qu'un pion qui consent à être un don de la farce. Mais c'est pas grave, pour ma vie, pour ma femme. Dois faire de la maille, enfuir mes états d'âme profondément. Évidemment avec le temps tout passe. Le rebelle en toi fait ses bagages et se casse. Évidemment ça peut craquer à tout moment. Ça pète les plombs devant France Travail en s'immolant. On peut pas contrôler la mentalité. On peut pas plus blesser, immuniser depuis l'éternité. Nos vies monétisées comme le sourire de Mona Lisa. Pas politisé, ni pactisé ou pas bizarre. Tu peux pas contrôler la mentalité. On peut pas plus blesser, immuniser depuis l'éternité. Nos vies monétisées comme le sourire de Mona Lisa. Pas politisé, ni pactisé ou pas bizarre.